Comme la tristesse revient dès que la pensée se relâche, il faut l'accepter aussi. Que vaudrait une joie qui ne serait que de tension, d'efforts et de commandes? C'est où le stoïcisme échoue, peut-être, ou touche à sa limite. Et que vaudrait une pensée qui serait coupée de la vie, gaie ou triste, qui la motive ou qu'elle surmonte? C'est où la philosophie s'égare bien souvent et qui la rend si ennuyeuse parfois. J'ai voulu essayer autre chose. Schubert m'importe davantage qu'Épictète. Montaigne, davantage que mes collègues. Qu'est-ce que c'est que être en état d'angoisse? Je sais pas ce qui m'arrive, je comprends rien. Vous voulez me dire ce qui ne va pas? Non, tout va bien. C'est juste... Je suis un peu à cran en ce moment. Angoisse, fausse angoisse, j'ai plus de repères. Pour l'instant, Faites foraine de l'angoisse, vous n'êtes pas obligé d'essayer tous les manèges. J'ai trop peur! J'ai peur de la mort! Qui peut se vanter de n'avoir jamais eu peur? Moi, dès que j'ai du monde devant moi, alors là, moi, c'est terminé. Surtout si c'est des patrons, des galons, des flics. Alors là, il n'y a plus personne. Oui, ça me fout les boules, comme dit ma fille. Bonjour, l'angoisse. Bonjour, l'angoisse. Bonjour, l'angoisse. Oh, bonjour. Bonjour André Consponville. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Bonjour, l'angoisse et autres impromptus, c'est le titre de votre dernier livre paru aux éditions PUF. Bonjour, l'angoisse, et pourtant j'ai lu quelques lignes de l'avant-propos de ce livre. Vous ne parlez pas d'angoisse, vous parlez de tristesse et de joie. Où se situe l'angoisse dans la pratique de la philosophie? Ah, elle se situe en amont, parfois aussi en aval, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Ce titre, d'abord, c'est une réédition. Le livre est paru en 96 sous le titre Impromptu, et comme entre-temps, j'ai publié un autre recueil d'impromptu, j'ai changé le titre. Donc, ça s'appelle maintenant Bonjour l'angoisse et autres impromptus. Ce que j'entends par impromptu, c'est des textes écrits de façon quasi improvisée, c'est le sens du mot impromptu, mais aussi au plus près du vécu, de la sensibilité, peut-être plus proche des sentiments ou de la littérature que des concepts et de la philosophie. Et c'est pourquoi j'ai emprunté ce titre générique d'impromptu à Schubert que nous venons d'écouter. Et c'est vrai que Schubert est plutôt le musicien de la tristesse, de la mélancolie, mais très douce, mais acceptée, plus que de l'angoisse, qui serait plutôt pour moi Schumann, le musicien de l'angoisse. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je préfère Schubert, parce que comme je suis un anxieux de nature, je n'aime pas trop les artistes qui me ramènent à mes angoisses de départ, si je veux dire. Mais c'est pas du tout la même chose, parce que l'angoisse, comme dit Freud, elle a à voir avec l'attente. L'angoisse, c'est le sentiment qu'on a d'un danger, vague ou indéterminée, par différence avec la peur, mais qui est devant nous. Alors que la tristesse, la mélancolie sont plutôt le rapport à une souffrance qui est plutôt derrière nous ou qui est présente, mais qui n'est pas en rapport avec l'attente. Enfin, bref, l'angoisse est une forme de peur. Quelle différence y a-t-il entre la peur et l'angoisse? Alors, tous les philosophes s'accordent depuis Kierkegaard jusqu'à Sartre ou jusqu'à aujourd'hui. Pour dire que l'angoisse est une espèce de peur, bien sûr, mais qui est une peur non pas de quelque chose de précis, de déterminé, auquel cas on parlera de peur ou de crainte. L'angoisse serait la peur de quelque chose de vague, d'indéterminé, voire de rien. Puisque la peur, c'était finalement le sentiment du néant, le sentiment du possible, le sentiment de quelque chose qui n'existe pas vraiment. Voilà, c'est une peur indéterminée, voire une peur sans objet, voire le rapport effrayé au néant qui nous attend, la mort, voire qui perce, comme disait joliment Paul Valéry. C'est Paul Valéry écrit quelque part, « Dieu a tout créé à partir de rien, mais le rien perce. Ouais. » Et ce sentiment que l'être ne se dégage que sur fond de néant, dans la nuit claire du néant de l'angoisse, comme dit Heidegger, c'est exactement l'angoisse. Alors on va essayer de définir ce qu'est l'angoisse ce matin. On a un parcours philosophique qui nous attend, André Consponville, Lucrèce, Pascal, Montaigne. On commence avec une première distinction entre l'angoisse et le souci. C'est à Jean Kelevitch que nous la devons. Le souci a un caractère particulier et présent, nominaliste, dirait un philosophe. On peut mettre le doigt dessus, le désigner. Ce qui n'est pas le cas de l'angoisse, qui a toujours un caractère tellement indéterminé qu'elle fuit devant l'analyse et qu'il est souvent impossible de l'exprimer par le langage lui-même. C'est cette particularité d'abord qui oppose le souci à l'angoisse. Le nom même qu'il porte, le nom de souci, s'applique à la fois aussi bien au pathos du soucieux, à l'homme soucieux, qu'au motif préoccupant. Quand je dis mes soucis, ce n'est pas simplement mon état à moi, l'état de l'homme soucieux, mais le mot désigne encore les choses qui me rendent soucieux. Mes soucis, c'est-à-dire par exemple les dettes, les maladies, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi, sans doute, le souci, par opposition à l'angoisse, est la marque d'une conscience relativement raisonnable. Et cela est si vrai que, pour se guérir de l'angoisse, il y a un remède qui est de convertir, quand on le peut, l'angoisse en souci, de monnayer l'angoisse en souci. Et en effet, un mal localisé comme le souci est préférable à un mal diffus, à un mal filtrant comme l'est l'angoisse. Pensez-vous, André Comte-Sponville, à la suite de Vladimir Jankélévitch, que l'angoisse peut être guérie si elle est convertie en souci? Disons qu'il a raison, en tout cas. D'abord, c'est un plaisir de réentendre la voix très, très étonnante et séduisante de Vladimir Jankélévitch. Il a évidemment raison de constater que le souci, comme la crainte, porte sur un objet particulier. Le rapport entre le souci et l'angoisse, c'est que dans les deux cas, ça a à voir avec l'avenir, ça a à voir avec l'attente. Mais le souci, c'est quelque chose devant nous qui nous attend, mais on sait quoi, un objet précis. L'angoisse, c'est quelque chose devant nous qui nous attend, mais on ne sait pas trop quoi. C'est un objet vague ou indéterminé, voire pas d'objet du tout. Donc là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Ce qui est étonnant quand on pense à l'angoisse, au fond, c'est que le mot apparaît tard. Alors voilà, de quand date de la pensée, hein. Les anciens parlaient de peur, de crainte, d'effroi, mais le mot angustia en latin, qui est l'origine du français angoisse, ne signifie pas l'angoisse. Ça signifie le resserrement. Au sens où on a la gorge serrée. C'est comme ça qu'on est passé du sens propre, serrement, étroitesse, resserrement, au sens d'abord médical. L'angoisse comme état pathologique, le mot apparaît en ce sens au XVIIIe siècle, c'est quand on a la gorge serrée. Alors, comme l'angoisse nous serre la gorge, on comprend comment ça a pris l'autre mot. En vérité, ce mot d'angoisse ne devient philosophique qu'avec Kierkegaard. Et donc, c'est un mot danois au départ. Je suis incapable de vous dire quel est le mot danois qu'on a traduit par angoisse, mais c'est Kierkegaard, dans son beau livre « Le concept d'angoisse », qui d'abord définit l'angoisse comme une peur sans objet, voire une peur qui porte directement sur le néant. C'est en ce sens que Heidegger va reprendre le même mot, d'ailleurs en faisant référence en note à Kierkegaard, et que Sartre, s'appuyant lui à son tour sur Heidegger et sur Kierkegaard, fera la philosophie que l'on sait, dont on pourra éventuellement reparler. Mm-hmm. Et donc c'est un mot qui apparaît tard dans l'histoire de la pensée, alors que l'affect, évidemment, est aussi vieux que l'humanité. C'est-à-dire que nous sommes programmé pour avoir peur, et c'est un avantage sélectif. Il faut bien se rendre compte que dans les conditions du paléolithique, or ça a duré 200 ou 300 000 ans, celui qui n'aurait pas eu peur ou qui n'aurait eu peur de rien, il meurt très vite, évidemment. Et donc, parce qu'on a peur, on est prudent. Et donc, au fond, l'humanité doit sa survie dans les conditions terribles du paléolithique à notre capacité à avoir peur. Sauf que l'angoisse est autre chose. L'anxieux, c'est celui qui a toujours une peur d'avance. À nouveau, c'est un avantage sélectif, parce que celui qui n'a peur des fauves que lorsqu'il y a un fauve va mourir plus vite que celui qui a peur des fauves, y compris quand il n'y a pas de fauve. Parce que lui, il se prépare, il s'attend à ce qu'il y ait un fauve. Voilà. Autrement dit, l'angoisse, c'est une peur anticipée, une peur intempestive, qui est un avantage sélectif, surtout dans les conditions du paléolithique, et qui devient un inconvénient psychologique ou existentiel, surtout dans nos sociétés modernes, où voilà, les fauves se font rares, mais où la mort est toujours aussi présente. Mais vous parlez de l'angoisse comme un affect, comme un sentiment, et ça veut dire que vous dissociez l'angoisse de toute considération pathologique. Oui, c'est vrai que le mot apparaît en français au sens qu'il a aujourd'hui dans le vocabulaire médical pour décrire le resserrement de la gorge ou de la poitrine. Crise d'angoisse, on parle. Voilà, la crise d'angoisse. Voilà. Et en même temps, alors c'est vrai que c'est pas la même chose, la crise d'angoisse et l'angoisse existentielle ou le rapport à la mort, mais il y a quelque chose de commun. D'abord dans les sensations, effectivement, ce sentiment de vide au niveau du sternum, cette oppression au niveau de la gorge ou de la poitrine, ça n'est pas un hasard si c'est le même mot. Simplement, on aurait tort et vient de croire que tout angoisse est pathologique, parce qu'il y a aussi des angoisses normales. Et donc il est normal que ça soit le même mot pour désigner les deux états, ça ne veut pas dire que les deux états sont rigoureusement identiques. Mais le passage entre les deux, il est flou. Ça vous met au défi de me dire où commence la pathologie et où s'arrête la santé. Si vous voulez, en vérité, quand on est anxieux, on est dans une espèce d'entre-deux. Et je crois que cet entre-deux, d'ailleurs, fait partie de la condition humaine. Vous savez ce que disait le docteur Knock, la santé est un état précaire qui ne présage rien de bon. Est-ce que vous distinguez le fait d'être angoissé et le fait d'être anxieux. Est-ce que l'anxiété et l'angoisse, c'est pareil? Oui, alors moi, je fais une distinction, mais bon, chacun émet de son vocabulaire. Beaucoup de langues ne distinguent pas les deux mots, déjà, donc c'est pas des concepts universels. Il m'est arrivé de dire que l'anxieux, c'est celui qui a peur de tout. L'angoissé, c'est celui qui a peur de rien. Voire du rien. Du rien. L'angoisse porte sur le néant. C'est ce que, là encore, c'est ce qu'a bien montré, déjà, Kierkegaard, mais plutôt, encore mieux, Heidegger, dans, je crois que c'est le paragraphe 40 d'Être-temps que j'ai relu en pensant à cette émission, qui est très étonnant parce que c'est infiniment profond et suggestif et infiniment obscur et indécidable. Mais bon, c'est du Heidegger. Mais ça reste profond et suggestif. Et donc, voilà. L'anxieux, il a peur de tout. C'est-à-dire qu'il a peur des microbes, il a peur des virus, il a peur d'une agression, il a peur de se faire assassiner, il a peur que ses enfants tombent malades, etc. Il a peur de tout. Ça reste indéterminé parce que c'est pas peur d'une chose en particulier, mais c'est peur de mille choses différentes. L'angoissé, ou plutôt l'angoisse comme expérience, c'est plutôt ce rapport au néant. Alors, sous les différentes formes, dans mon dictionnaire philosophique, j'évoque les différentes formes, les différentes occurrences de ce néant. Le vide. Le vide, c'est quand il n'y a rien. Or, c'est ce qu'on appelle le vertige. C'est quoi le vertige? C'est l'angoisse devant le vide. Deuxième forme de néant, au fond, le possible. Ce qui n'est pas, puisque ce n'est pas encore, mais ça peut advenir. Et donc la liberté. Puisque comme le montre Sartre, au fond, si nous sommes libres au sens du libre arbitre, c'est que nous ne sommes pas ce que nous sommes et nous sommes ce que nous ne sommes pas. Bref, nous avons à devenir, nous avons à nous choisir. Et donc pour Sartre, comme vous le savez, la liberté est du côté du néant. Troisième expérience, la contingence. Si le monde est contingent au fond, c'est qu'il aurait pu ne pas être. Et ce sentiment de la contingence, c'est ce que Sartre appelle la nausée, hein, dans le roman qui s'appelle La nausée, c'est ce que Camus appelle l'absurde au fond. Le sentiment que tout le réel se détache sur fond de néant. Alors, je cite une phrase de Heidegger, mais que je trouve là pour le coup très juste et très forte. Heidegger écrit « Dans la nuit claire du néant de l'angoisse, se montre enfin la manifestation originelle de l'étang comme tel, à savoir qu'il y ait de l'étang et non pas rien. » C'est-à-dire le simple fait qu'il y ait quelque chose. Alors qu'il aurait pu ne rien y avoir. C'est la grande question métaphysique au fond de Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Question parfaitement indécidable, il n'y a pas de réponse possible. Mais quand on n'a pas perçu en quoi cette question était nécessaire, indécidable mais nécessaire, on passe à côté du mystère de l'être. Le fait qu'il y ait quelque chose est très étonnant parce qu'il y aurait pu ne rien y avoir, parce que le néant était possible aussi. Et donc, pour penser l'être, c'est ce que dit Aristote, la science des contraires est une. Pour penser l'être, on a besoin de penser le néant. C'est-à-dire de penser rien. Mais ce rien est nécessaire pour pouvoir penser l'étant en tant que tel, comme dit Heidegger. Donc l'angoisse est constitutive de l'exercice philosophique et même de la vie humaine. Oui, parce qu'elle est constitutive de l'humanité, parce qu'au fond, l'humanité vit dans le possible, au moins autant que dans le réel. On peut penser que les animaux ont peur, enfin, c'est même certain que les animaux ont peur face à un danger réel. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir une peur d'avance, c'est-à-dire d'être anxieux, voire d'avoir un rapport au néant, c'est-à-dire leur propre contingence, leur propre mortalité? C'est beaucoup plus douteux. En revanche, l'humanité est vouée au néant parce qu'elle est vouée au possible, parce qu'elle est vouée à l'imaginaire, parce qu'elle ne peut penser l'être que sur fond de néant. Et c'est pourquoi, comme dit encore Heidegger, l'être devient branlant. J'aime bien l'idée que l'être soit branlant. Mais c'est un terme de montaignien. Pour un animal, l'être n'est pas branlant. Cet arbre, c'est un arbre parce qu'il l'appelle pas comme ça, mais il est plein d'être, si j'ose dire. Pour nous, le réel se détache sur fond de néant. L'être est de trop. C'est ce que Sartre appelle la nausée, la prise en compte de la facticité du réel, le fait que le réel soit là en fait, la prise en compte de sa contingence, la prise en compte de notre contingence et de notre finitude et de notre mortalité. Dans l'angoisse, il y a tout ça. Or, tout ça, pour faire la transition, les anciens s'en étaient déjà rendus compte, au moins partiellement. Montaigne le perçoit en partie, et surtout Pascal, qui est le maître de l'angoisse, le montre magnifiquement. Alors, on remonte dans le temps, justement. Comment parler de l'angoisse quand le terme lui-même n'est pas encore disponible ni utilisé? Écoutez cette description de ce sentiment qu'on pourrait appeler un sentiment philosophique de l'angoisse chez Lucrèce. Thank you. Chacun cherche à se fuir. Personne n'y parvient. On reste prisonnier du moi que l'on déteste. On sent que l'on a mal. On ne sait pas pourquoi. Si on le comprenait, laissant là tout le reste, on se consacrerait à connaître les causes. Car c'est l'éternité qui est en jeu, non l'heure. Cette éternité dans laquelle les mortels passeront tout le temps infini de la mort. Pourquoi trembler si fort au milieu des alarmes? Quel piètre amour de vivre à la vie nous enchaîne? Tout mortel doit mourir tôt ou tard, à son heure. Personne n'y échappe. À quoi bon résister? Et puis l'on tourne en rond dans le cercle de vivre où nul plaisir nouveau ne peut plus nous surprendre. Tant que nous n'avons pas l'objet tant convoité, le manque fait son prix. L'avons-nous obtenu? C'est un autre aussitôt que visent nos désirs. La même soif de vie nous tient toujours béants. Puis nous ignorons tout du sort qui nous attend, des coups de la fortune et de la mort promise. En prolongeant ta vie, tu ne retranches rien à l'infini du temps que durera ta mort. Tu n'en peux rien ôter, rien soustraire au néant. Vivrais-tu plus longtemps, vivrais-tu plusieurs siècles, tu n'en mourrais pas moins d'une mort éternelle. Le néant dure autant que la vie ait pris fin à l'aube de ce jour ou depuis des années. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Bonjour, l'angoisse, c'est le titre de notre série de cette semaine et c'est aussi le titre du livre, du recueil de textes qu'a publié mon invité aujourd'hui, le philosophe André Comte-Sponville. Chacun cherche à se fuir, personne n'y parvient, on reste prisonnier du moi que l'on déteste. Est-ce ici un sentiment d'angoisse que décrit Lucrèce dans ce texte? Dans ce passage-là, non, dans les vers qui suivent, oui, parce que... Il associe le rapport difficile que nous avons avec notre propre finitude, notamment l'insatisfaction, on désire que les choses qu'on n'a pas et donc on n'a jamais ce qu'on désire, avec le rapport à la mort. Et dans ce très beau texte de Lucrèce, les deux sont présents. Mais l'angoisse se joue pour Lucrèce essentiellement dans le rapport à la mort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en bon épicurien... Alors, présentez-nous qui est Lucrèce. Alors oui, pardon, vous avez raison. Donc Lucrèce, poète latin, 1er siècle avant Jésus-Christ, est le plus grand des disciples d'Épicure, mais c'est 3 siècles après Épicure, et c'est grâce à Lucrèce, pour une bonne part, qu'on connaît la pensée d'Épicure, puisque la plupart des textes d'Épicure ont disparu. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lucrèce, disciple d'Épicure, est obligé de professer la doctrine, à savoir quoi? Chacun connaît la formule, Épicure écrivait « la mort n'est rien ». Ni pour les vivants, ni pour les morts. Elle n'est rien pour les vivants, puisqu'ils sont vivants. Elle n'est rien pour les morts, puisqu'ils ne sont plus. Autrement dit, avoir peur de la mort, pour Épicure, c'est avoir peur de rien. Et en stricte observance épicurienne, Lucrèce dit la même chose. Sauf que, comme il est aussi poète, on sent bien en les lisant que, une fois qu'on a compris qu'avoir peur de la mort, c'est avoir peur de rien, on ne cesse pas pour autant d'avoir peur, parce que justement, ceux qui nous angoissent, c'est ce rien même, c'est le néant de la mort. Et donc, on pourrait dire que Lucrèce donne raison à Épicure s'agissant de la peur de la mort, mais lui donne tort s'agissant de l'angoisse de la mort. Oui, c'est absurde d'avoir peur de la mort comme d'un danger particulier, puisque quand on ne sera plus là, il n'y aura plus de danger du tout. Avoir peur de la mort, c'est avoir peur de rien, donc c'est idiot. Oui, mais ce rien m'angoisse. L'idée qu'un jour, je ne serai plus, voilà, cette phrase... « Je ne suis plus », elle est impossible à prononcer en vérité. Si je peux la prononcer, c'est que je suis. Et quand je ne serai plus, je ne pourrai plus la prononcer. Et pourtant, je sais bien que cela adviendra. Heidegger écrit « La mort, c'est la possibilité de l'impossibilité ». Voilà. Il y a un moment où plus rien ne sera possible, je ne serai plus là. Et donc voilà, Lucrèce à la fois reproduit la doctrine d'Épicure. La mort n'est rien et donc il est absurde d'en avoir peur. Il n'y a pas lieu d'avoir peur de rien. Et fait une espèce de transition avec le sentiment plus moderne de l'angoisse, qui est justement ce sentiment du néant qui nous attend, voire du néant déjà que nous sommes, parce que la finitude, au fond, c'est que tout le peu que nous sommes se détache sur l'infini de tout ce que nous ne sommes pas. Et donc, se penser comme finitude, c'est déjà aussi se penser comme néant. Ça veut dire que le passage d'Épicure à Lucrèce, c'est aussi le passage d'une certaine philosophie stoïcienne, prônée par Épicure, à une poésie qui véhicule un autre rapport au monde. Ça veut dire peut-être que la poésie peut dire quelque chose que la philosophie ne peut pas dire ? D'une certaine philosophie épicurienne, non pas stoïcienne, même si sur la mort, au fond, les stoïciens, les épicuriens, à certains égards, partagent des idées voisines. Oui. Le maître de l'Ukraine, bien sûr, c'est Épicure. Oui, il y a le passage d'un épicurisme de stricte observance, rassurant, qui nous apprend à habiter sereinement notre finitude, notre mortalité, au sentiment, je disais, plus moderne ou peut-être plus humain en quelque chose de l'angoisse. Parce qu'encore une fois, Lucrèce est un très bon philosophe, mais surtout c'est un immense poète. Et donc il est du côté du vécu, davantage que des concepts. Voilà, et bien ce que on comprend en lisant Lucrèce, même si lui ne le dit pas comme ça, évidemment, mais c'est que le concept de la mort, même pensé rigoureusement, permet de se libérer de la peur qu'elle nous inspire, mais aucunement de l'angoisse qu'elle suscite. Parce que dans le vécu, la mort n'est pas un concept. Dans le vécu, la mort, c'est ce qui nous attend. Et l'idée que, au fond, le rien soit devant nous, c'est peut-être ce qu'il y a de pire à vivre. Et c'est là où la finitude et la mortalité vont ensemble. À propos de l'angoisse, n'est-ce pas ? Je pense que tout homme de science, mathématicien, tout philosophe, ou tout homme un peu occupé des choses de l'esprit, hein, et quelqu'un qui essaye certainement de combler une sorte d'angoisse, voyez-vous. Je pense qu'il y a un élément phobique dans la carte intellectuelle. Par exemple, les dauphins, n'ayant peur de rien, ne redoutant aucun prédateur, je parle des cétacés, hein. Et là, ces dauphins-là, il y a une théorie qui m'a beaucoup amusé, comme quoi ils avaient une capacité d'acquérir l'intelligence humaine. Il paraît que ce sont les plus intelligents des animaux. Et que comme ils étaient heureux et qu'ils n'avaient pas de difficultés à survivre, ils n'ont pas eu besoin de penser parce qu'ils n'avaient pas d'angoisse. Et on pense peut-être pour combler une certaine angoisse. Alors, je voudrais vous dire une chose, c'est que ce que je dis là des mathématiciens ou des philosophes, je le dirais aussi des hommes d'église, des prêtres, voyez-vous. Je pense aussi que la quête théologique, sous toutes ses formes, est également certainement une manière de résoudre une angoisse. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir devenir Hare Krishna ? Je dis pas que je veux être membre, non, mais je sais que vous croyez en la réincarnation, vous voyez, et c'est ça qui m'intéresse. Oui, mais quelle est votre religion ? Alors, je suis né juif, vous voyez, mais l'hiver dernier, j'ai voulu devenir catholique, seulement c'était pas fait pour moi, non. J'ai étudié, je me suis acharné, je m'y suis donné, enfin bref, le catholicisme pour moi, c'était mourir maintenant, payer par prêtre, vous voyez, et ça, vraiment, j'ai pas pu m'y faire. Alors là, je voulais essayer. Vous avez peur de mourir ? Oui, naturellement, pas vous. Non, je voudrais savoir pour la réincarnation, est-ce que pour vous, mon âme va passer dans un autre être humain ou alors est-ce que c'est moi qui reviendrai sous forme d'élan, de fourmilier ou autre chose ? Écoutez, prenez ce livre, lisez-le à fond et réfléchissez-y. Bon, d'accord, merci infiniment. Il n'y a pas de quoi. Hare Krishna. Qui tu mets en bateau, là ? Toi, devenir Hare Krishna ? Mais tu vas te raser le crâne, porter des pyjamas et danser dans les aéroports. T'aurais tout de Jerry Lewis. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je suis déprimé. De Clément Rosset à Woody Allen, à André Comte-Sponville. Pensez-vous, comme le disait Clément Rosset dans l'archive que vous avez entendu, c'était sur France Culture en 1988, propos illustré par l'extrait de Anna et ses sœurs de Woody Allen juste ensuite, que la pensée et la religion ont ceci en commun, qu'elles ont pour fonction de venir tenter de combler l'angoisse originelle. Oui, en partie, je pense que c'est souvent le cas là. Pas forcément toujours. Il arrive que la religion ou la pensée viennent moins combler l'angoisse qu'aider à supporter la souffrance. C'est pas la même chose, parce que nous sommes programmés pour l'angoisse, c'est bien clair. Donc, autrement dit, pour avoir toujours une peur d'avance, mais nous sommes programmés aussi pour souffrir, pour jouir et pour souffrir. Et je pense qu'il y a des auteurs, des artistes qui visent plutôt à compenser la souffrance. C'est ce que écrit Aragon, l'homme crie ou son fer le ronge. Voilà. Et puis il y a d'autres qui sont plutôt du côté de surmonter l'angoisse. Voilà. Et je crois que ce ne sont pas les mêmes affects, ça ne débouche pas forcément sur les mêmes œuvres. Mais en tout état de cause, si on crée quelque chose, c'est que le réel tel qu'il est ne nous satisfait pas par définition. Et c'est pour ça, au fond, d'où la comparaison très, très éclairante, au fond, pittoresque, mais éclairante avec les dauphins. Si nous étions programmé pour le bonheur, sans prédateur, sans avoir besoin d'avoir peur, sans souffrance. Enfin, je crains en vérité que les malheureux dauphins soient capables de souffrir, mais bon, quand tout va bien, nous n'aurions pas besoin de philosophie. Mmh. Nous n'aurions pas besoin de musique, pas besoin de peinture, d'art, peut-être pas besoin de penser. Voilà. Et donc, oui, il y a une espèce de pouvoir du négatif, comme dirait Hegel, c'est-à-dire que ce qui nous fait avancer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours quelques pièces qui va de travers, comme dit Montaigne. Et c'est parce que nous souffrons, parce que nous nous ennuyons, autre affect fondamental. Hein, il n'y a pas que l'angoisse, il y a aussi l'ennui. Notamment, on en parlera éventuellement avec Blaise Pascal. Il y a la souffrance, il y a la déception, il y a le sentiment de la vanité de tout. Ouais, toutes ces expériences vécues qui font que nous ne sommes pas satisfaits. Il y a un beau texte de Clément Rossès qui l'appelle le mécontentement de Cioran. Et ici, je ne sais plus quel roman, où on demande à un personnage « qu'est-ce que vous avez à déclarer ?» Le personnage répond « j'ai à déclarer que je suis mécontent ». Voilà. Et nous avons mille raisons d'être mécontents. C'est-à-dire que la vie est effectivement difficile, la vie est effectivement angoissante. Il y a même, au fond, quelque chose de désespérant dans la condition humaine, puisque on va tous mourir. Et on voudrait qu'en plus, on soit content. Voyez. Et donc, moi, j'aime les auteurs qui assument cette dimension-là, ce qu'on appelle le tragique. Nous ne sommes pas dans un monde fait pour nous, accueillant, confortable, délicieux. Nous sommes là par hasard dans un monde qui n'était pas fait pour nous et où tout est difficile, parfois douloureux, presque toujours angoissant. C'est de là qu'il faut partir. Alors, je serais d'accord avec Clément Rosset aussi pour dire que le but, c'est même plus un but, mais l'expérience la plus décisive, c'est celle de la joie. Parce qu'au fond, l'angoisse, c'est le sentiment du néant. La joie, c'est le sentiment de l'être. Et au fond, toute la philosophie de Clément Rosset nous amène à préférer ce rapport au réel que la joie mesure, plutôt que le rapport au possible ou au néant que l'angoisse mesure. Ah oui, mais alors suffit-il de décider d'être joyeux pour l'être ? Et non, et c'est un peu la limite, à mon avis, de la pensée de Clément Rosset, qui à la limite, je reprends une expression qu'il a utilisée, c'est une philosophie de la bonne humeur. Ouais. Sauf quand on a un peu trop bu, et vous savez que Clément, qui était un homme délicieux, buvait trop au moins du coup. Il a bu à ce micro, figurez-vous. Même, ouais. Mais sauf quand on a trop bu, on ne décide pas d'être de bonne humeur. Ça ne dépend pas de nous, si vous voulez. Et c'est vrai que Clément était merveilleusement doué pour la joie. C'était un convive délicieux, joyeux, drôle, jamais méchant. Mais on n'est pas tous Clément Rosset, on n'est pas tous doué pour la joie. Et au fond, moi, j'ai dû, si je peux me comparer à Clément Rosset, mais j'ai dû inventer une philosophie peut-être un peu plus austère parce que la simple expérience du réel ne suffit pas à me mettre en joie. Voilà. C'est ça. J'étais pas très doué pour la bonne humeur, pour le dire en termes rossessiens. Et donc, je suis allé du côté de philosophes que Clément Rosset aimait aussi beaucoup, mais que j'appelle les penseurs tragiques, Lucrèce, Montaigne, Pascal. Alors, on arrive à Pascal, si vous êtes d'accord. Arrivons à Pascal. On va entendre la lecture d'un des fragments. Est-ce que vous voulez nous dire deux mots de ce texte ou d'abord on l'écoute puis vous en parlez? Comme je ne sais pas quel texte c'est, on va l'écouter d'abord. Et... Le fragment 693 dans l'édition Brunswick. Allez, on écoute le texte, il est lu par Bernard Gabay. En voyant l'aveuglement et la misère de l'homme, en regardant tout l'univers muet et l'homme sans lumière, abandonné à lui-même et comme égaré dans ce recoin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce qu'il y est venu faire, ce qu'il deviendra en mourant, incapable de toute connaissance, j'entre en effroi, comme un homme qu'on aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître où il est, et sans moyen d'en sortir. Et sur cela, j'admire comment on entre point en désespoir d'un si misérable état. Je vois d'autres personnes auprès de moi, d'une semblable nature. Je leur demande s'ils sont mieux instruits que moi. Ils me disent que non. Et sur cela, ces misérables égarés, ayant regardé autour d'eux et ayant vu quelques objets plaisants, s'y sont donnés et s'y sont attachés. Pour moi, je n'ai pu y prendre d'attache. Et considérant combien il y a plus d'apparence qu'il y a autre chose que ce que je vois, j'ai recherché si ce Dieu n'aurait point laissé quelque marque de soi. André Comte-Sponville, tenez-vous Pascal pour un philosophe anxieux ou angoissé ? En ça, il l'est incontestablement, y compris au sens pathologique du terme. C'est qu'un biographe du temps de Pascal nous raconte que Pascal avait toujours le sentiment d'un abîme auprès de lui, sur le côté droit ou le côté gauche, je ne sais plus, mais il y avait une forme de pathologie chez Pascal. Mais on aurait bien sûr tort de réduire son immense génie à la pathologie, mais c'est évidemment quelqu'un d'angoissé, et ce qui m'importe, et c'est là où il est tellement décisif, au fond je me demande parfois ce que Kierkegaard ou Heidegger auront ajouté à ce que Pascal a dit en quelques fragments sublimes, il a le sentiment que notre situation dans le monde est angoissante. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes presque rien dans le tout immense, dans le tout infini, parce que rien ne nous est promis que la mort, et que ce sentiment à la fois de la solitude, de la déréliction, l'abandon, le sentiment d'être jeté, comme dira Heidegger, dans le monde, et d'être mortel, au fond, c'est ce qui caractérise le mieux l'angoisse. Et donc oui, Pascal est un angoissé ou un anxieux, comme je pense plutôt un angoissé qu'un anxieux en l'occurrence. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que moi qui suis anxieux, la lecture de Pascal m'a toujours fait du bien. C'est ce que j'allais vous dire. Pourquoi est-il, sa lecture est-elle aussi apaisante? Ben c'est ça le paradoxe. Il y a un fragment, l'un des fragments que je préfère, en plus c'est l'un des plus courts, en deux lignes, donc on peut le connaître par cœur facilement. Voilà le fragment. Condition de l'homme. Inconstance. Ennui. Inquiétude. Je trouve ça extraordinaire. Comment mieux dire deux lignes très brèves. L'essentiel, la condition de l'homme. Inconstance, ennui, inquiétude. Inconstance, puisque nous changeons toujours, nous changeons d'amis, d'idées, de sentiments, on ne reste jamais amoureux très longtemps, etc. Tout ça est vrai. Ennui, parce que dès qu'on arrête de se divertir, bah, on voit notre condition humaine face à face et il y a une espèce de dégoût de la vie. Enfin, inquiétude. Inquiétude, c'est le nom pascalien de l'angoisse. Et pourquoi ça me fait du bien? Parce que du coup, je me dis, mais bon, voilà, c'est normal que je sois angoissé. Condition de l'homme. Autrement dit, je m'angoissais d'avoir des angoisses et tout d'un coup, Pascal m'explique, mais c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'être angoissé, c'est normal d'être inquiet à l'idée du peu que nous sommes et du néant qui nous attend. Et c'est pour ça que Pascal, bizarrement, me fait du bien, alors que il n'y a rien qui me donne plus envie de me tirer une balle dans la tête que les émissions prétendument optimistes du dimanche après-midi à la télévision, si vous voulez. Quand on veut nous faire croire que tout est bien, que le monde est merveilleux, que la vie c'est formidable, moi ça me donne envie, ça me dégoûte, on a envie de dire trop de sucre, et puis non, c'est pas vrai. Ce qui est tonique chez Pascal, au fond, c'est la vérité. Et c'est parce qu'il touche juste qu'il nous aide à vivre mieux. Alors, pour lui, ça n'a pas suffi, puisqu'il a besoin, bien sûr, c'est ce qu'indique la suite du texte qu'on vient de lire, il a besoin de la religion pour se rassurer et surtout pour échapper au désespoir, parce qu'il y a deux... C'est ça, il emploie le terme de désespoir, lui. Il y a deux affects un petit peu différents, il y a l'angoisse et le désespoir, et Pascal compte sur la religion pour échapper aux deux. Alors, c'est pourquoi moi, il m'arrive de me définir comme pascalien athée, parce que j'assume tout à fait son diagnostic. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose de désespérant dans la condition humaine, mais je n'assume pas du tout sa thérapie. C'est-à-dire, je ne compte pas sur Dieu ou sur une vie après la mort pour me consoler de celle-ci. Et c'est là où toute une partie de mon travail philosophique a consisté à jouer Spinoza contre Pascal, c'est-à-dire apprendre à se réjouir de ce qui est, la joie comme affect du rapport au réel, plutôt que de s'angoisser à l'idée du néant qui nous attend, voire que nous sommes, puisqu'au fond, ce que Pascal nous montre, c'est que l'homme est un milieu, comme il dit, entre l'être et le néant, entre rien et tout. Mais est-ce que ça marche? Vous avez dit, mon travail, c'était de faire jouer Spinoza contre Pascal, d'apprendre à être joyeux. Est-ce que vraiment la philosophie peut nous apprendre à être joyeux? Oui, ça marche tant qu'on est dans la pensée. C'est-à-dire que quand on travaille, si je fais un cours sur Spinoza, je le fais sincèrement, je ne fais pas semblant d'être convaincu. Et puis dès qu'on arrête de penser, je lis dans l'impromptu, comme la tristesse revient dès que la pensée se relâche. Et c'est pourquoi j'ai écrit ces impromptus. Parce que à force de travailler dans la pensée, dans le concept, et surtout quand on essaye de trouver ce que pourrait être une sagesse, d'inspiration épicurienne, spinoziste, il y a un risque de laisser croire qu'on est comme ça. Mais j'ai toujours dit que je n'étais pas un sage, si vous voulez. Et donc il m'est précieux aussi d'écrire donc, ce que j'appelle des impromptus, qui sont des textes non pas conceptuels, non pas même philosophiques, plutôt littéraires, qui sont écrits au plus près du vécu, au plus près de ce que je ressens, et où je constate effectivement que ça ne marche pas. Et c'est ça, au fond, si j'ai évolué en 40 ans, c'est que au tout début, dans mes tout premiers livres, disons que je prenais Épicure et Spinoza un peu trop au sérieux. et que Montaigne et la vie m'ont guéri de ces illusions philosophantes. Au fond, j'ai compris que la philosophie, ça ne marche pas, pour reprendre votre, votre expression. Mais que ça n'est pas une raison pour cesser d'aimer la philosophie. Au fond, rien ne marche, si vous voulez. L'amour, ça ne marche pas, au sens où personne ne reste amoureux pendant 50 ans. Ça, c'est pas vrai. Si l'amour dure, c'est parce qu'il change. Condition de l'homme, inconstance, ennui, inquiétude. Ça n'est pas une raison pour ne pas aimer. Avoir des enfants, c'est donner des otages au destin, disait Hugo. Autrement dit, faire des enfants, c'est avoir peur. Ça n'est pas une raison pour ne pas faire d'enfants. Autrement dit, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que l'amour de la vie telle qu'elle est, décevante, fatigante, angoissante, vaut mieux que l'amour d'une sagesse qui serait incompatible avec la vie. Et c'est ça, au fond, j'ai commencé par jouer Spinoza contre Pascal, et puis par jouer Montaigne contre Spinoza. Parce qu'au fond, Montaigne nous aide à accepter que Pascal ait raison, mais à l'accepter non pas dans le drame, dans la tragédie, mais dans une forme de douceur, de tendresse, de sérénité très relative. Il y a toujours quelque chose qui va de travers, dit Montaigne, mais malgré tout, on peut aimer la vie telle qu'elle est. D'où la sublime phrase que j'ai reprise dans le titre d'un de mes livres, « Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». Accepter cette tendresse-là, accepter que nous soyons tous faciles à troubler, autrement dit que l'ataraxie, la sagesse épicurienne, littéralement ataraxia, ça veut dire absence de trouble. Et Montaigne répond en substance, comme vous, mais mon cher Épicure, ataraxia, ça ne marche pas, puisque ces choses tendent que la vie est aisée à troubler. Ça n'est pas une raison pour cesser d'aimer la vie, au contraire, ni même pour cesser de philosopher. Et d'ailleurs, Montaigne n'a cessé de philosopher. Alors avant d'en arriver à Montaigne, je vous propose un tout petit détour par Émile Sioran qui a un conseil à vous donner. Il vous dit quand vraiment rien ne va, allez au cimetière. Je vois des gens, des amis, n'importe qui passent par des moments de détresse, de désespoir et comme ça. Je n'ai qu'un conseil, allez 20 minutes dans le cimetière. Vous allez voir que votre chagrin sera non pas éteint, mais presque dépassé. Et c'est une leçon de sagesse presque automatique. J'ai toujours pratiqué des méthodes pareilles, ça ne fait pas très sérieux, mais c'est relativement efficace. Parce que quelqu'un qui est dans le désespoir, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Rien, ou à peu près rien. Mais là, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Et c'est vrai, moi, j'ai très sensible au désespoir des gens. Parce que, au fond, quelqu'un qui est dans le désespoir, qui n'est pas habitué au désespoir, donc, il est mis dans une position extrême qu'il ne comprend pas et qu'il ne peut pas expliquer. Et il faut changer de perspective complètement. Et surtout, la seule façon de supporter la vie, c'est d'avoir la conscience du néant. Autrement, la vie n'est pas supportable. Au fond, Émile Sioran, ici, dans une archive du 28 décembre 1950, ne dit pas autre chose que ce que vous avez dit, André Comte-Sponville, mais il emploie le terme de désespoir. Quelle différence entre l'angoisse et le désespoir? Le désespoir, c'est le rêve d'un état où on serait libéré de l'angoisse parce qu'on n'espérerait plus rien. Désespoir. Voilà. Or, comme l'a écrit Spinoza, mais on trouve la même idée chez La Rochefoucauld, au fond. Spinoza écrit, vous le savez, « Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. » Et donc, dès qu'on espère quelque chose, on a peur d'être déçu. Et la seule sérénité est du côté de celui qui n'espère rien. Donc, désespoir, en ce sens-là, pas du tout l'accablement dépressif, suicidaire, pas du tout la tristesse. D'ailleurs, tous ceux qui ont connu Sioran de près le décrivent comme un homme extrêmement joyeux, si vous voulez. Non, mais, vous savez, quand j'ai publié mon premier livre, Le mythe d'Icare, sous-titré Traité du désespoir et de la béatitude, où j'expliquais qu'au fond, l'espoir nous sépare de la vie réelle et nous voue au malheur, puisque tant qu'on espère, d'abord on a peur, et donc on est voué à l'angoisse, et que le plus souvent, en plus, nos espoirs sont déçus. Et l'une des premières lettres que j'ai reçues venant d'un lecteur que je ne connaissais pas, qui était psychanalyste, il m'écrivait que j'étais d'accord avec moi, parce que, me disait-il, en tant que clinicien, en tant que psychanalyste, je constate tous les jours, je le cite exactement, je constate tous les jours que l'espérance est la principale cause de suicide. Deux points, on ne se tue que par déception. Et il se trouve que ma mère s'était suicidée quelques mois ou quelques années après, quand maman est morte de son suicide, je me suis dit, le psy avait raison. Maman s'est suicidée parce que depuis des années, la vie la décevait. Elle était déçue. Et on a bien, elle avait de bonnes raisons d'être déçue. Simplement, son erreur, si j'ose dire, et l'erreur de beaucoup d'entre nous, c'est quand la vie nous blesse parce qu'elle ne correspond pas à nos espoirs, on en conclut que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort? La vie, elle fait ce qu'elle peut, elle est ce qu'elle est. Mon idée, qui a été le point de départ de mes premiers livres, au fond, c'est que quand la vie ne correspond pas à nos espoirs, or elle ne correspond jamais à nos espoirs. Lorsque la vie ne correspond pas à nos espoirs, ça ne veut pas dire que c'est la vie qui a tort, ça veut dire que ce sont nos espoirs qui, dès le départ, sont vains, illusoires, mensongers. Donc il ne faut pas espérer. Pour ne pas être désespéré, il faut ne pas espérer. On ne peut pas ne pas espérer puisqu'on a peur. Et qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Simplement, ce que je dis plus modestement, c'est qu'il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer, il s'agit d'espérer un peu moins, et surtout de connaître, d'agir et d'aimer un peu plus. Le but, ce n'est pas de s'amputer de l'espérance. On ne peut pas, puisqu'on a peur, et puisqu'il n'y a pas de peur sans espoir. Mais on peut aller plutôt du côté du réel. L'angoisse, c'est le sentiment du néant. La joie, c'est le sentiment du réel, le sentiment de l'être. Or, il y a une joie de la connaissance, parce qu'on connaît ce qui est. Il y a une joie de l'action, parce qu'on est dans le réel, on le transforme. Il y a une joie de l'amour, parce qu'on ne peut aimer que ce qui est. Et c'est la différence entre l'espoir et l'amour. C'est que, au fond, l'espoir, c'est un désir qui porte sur ce qui n'est pas ou qu'on ignore. Par différence avec l'amour, qui est un désir qui porte sur ce qui est et qu'on connaît au moins en partie. Donc s'interdire d'espérer, surtout pas. D'abord, ça n'est pas possible puisque la peur est là. Augmenter plutôt notre part de puissance que supprimer notre part d'impuissance. Ce qu'écrit quelque part le philosophe Alain, le sage est sage non par moins de folie, mais par plus de sagesse. Il ne s'agit pas de s'amputer de l'espoir et de la crainte, on ne peut pas. Il s'agit d'augmenter notre part de puissance, notre part de sagesse, c'est-à-dire, encore une fois, notre part de connaissance, d'action, d'amour, de joie. Vous parlez de joie, Montaigne sans doute parlerait de jouissance. Et c'est là le signe distinctif de la philosophie ou de la pensée de Montaigne, c'est qu'il est dans un rapport à l'expérience directe et pas simplement dans l'énoncé d'une théorie. Voici un extrait des essais de Montaigne lus par Bernard Gabet. Dans un danger, je ne songe pas tant comment je lui échapperai que combien il importe peu que je lui échappe. Quand j'y resterai, quelle importance cela aurait-il? Ne pouvant régler les événements, je me règle moi-même et je m'adapte à eux s'ils ne s'adaptent pas à moi. Je n'ai guère d'adresse pour savoir éviter les coups de la fortune et lui échapper ou la maîtriser, et pour disposer et conduire avec habileté les choses à l'état où est mon intérêt. J'ai encore moins d'endurance pour supporter le soin rude et pénible qu'il faut pour cela. Et la posture la plus pénible pour moi, c'est d'être en suspens entre les affaires qui sont pressantes et d'être ballotté entre la crainte et l'espérance. Réfléchir pour prendre une décision, même pour des choses de la plus légère importance, me gêne. Et je sens mon esprit plus en peine pour supporter le mouvement et les secousses diverses du doute et de la recherche que pour se fixer et se résoudre à prendre quelque parti que ce soit après que la chance en est donnée. Peu de passions ont troublé mon sommeil, mais la moindre des délibérations me le trouble. De même que dans les chemins, j'évite habituellement leur côté en pente et glissant et me porte dans la partie battue la plus boueuse où l'on s'enfonce, d'où je ne puisse aller plus bas et que j'y cherche la sécurité, de même, j'aime les malheurs tout nets qui me tourmentent et me tracassent, plus par le souci de leur incertaine répartition et qui, du premier coup, me poussent droit dans la souffrance. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. J'aime les malheurs tout nets, écrit Montaigne dans le chapitre sur la présomption des essais. J'aime les malheurs tout nets qui me tourmentent et qui me poussent tout droit dans la souffrance. Diriez-vous, André Comte-Sponville, que Montaigne est une sorte de Pascal de bonne humeur, au fond? C'est plus compliqué que oui, ça, parce sûr. Que Pascal est du côté de l'angoisse. Montaigne est du côté du souci, plutôt, pour reprendre. Voire de la mélancolie. De Vladimir Yankelevitch, et de la mélancolie, qui est son tempérament profond, au fond, là. Pour Montaigne, la phrase la plus profonde de l'histoire de la pensée, c'est l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. C'est ça, son affect fondamental. Par contre, ce qu'il dit dans le texte qu'on vient d'écouter, c'est que Ce qu'il supporte le plus mal, c'est d'être, dit-il, ballotté entre l'espoir et la crainte. Enfin, il a peur de quelque chose, il y a une décision à prendre, il est confronté au possible, vertige de la liberté, dirait Kierkegaard, et ça, il a horreur de ça. Il préfère, au fond, quand tout est foutu. Et tomber franchement dans la boue. Hein, voilà, et ça me touche, parce qu'au fond, je suis un petit peu pareil. Je me souviens, quand j'avais 6-7 ans, ou 8-10 ans, si je le battais avec un de mes condisciples, au fond, j'avais tendance à me mettre sur le sol pour être sûr de ne pas tomber plus bas et à me battre en donnant des coups de pied. Parce que quand on se bat à 7-8 ans, le but de l'autre, c'est de vous faire tomber. Mais si vous êtes déjà par terre et que vous le bombardez de coups de pied, il est un petit peu démuni. Vous voyez. Et donc, il y a l'idée un peu, d'une philosophie du pire, d'ailleurs. Ouais. Thomas Rossel encore utilisera l'expression. Accepter le désespoir, ce qu'il y a de désespérant dans la conduite humaine, pour ne plus être ballotté entre l'espoir et la crainte. Au fond, Montaigne, si on peut dire, joue la mélancolie contre l'angoisse. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup touché, parce qu'au fond, j'ai fait la même chose. Il y a un moment où je n'avais pas encore vraiment lu Montaigne. Parce qu'il y a des gens qui supportent mieux le deuil que l'angoisse, d'autres qui supportent mieux l'angoisse que le deuil. Eh bien, je vais vous dire, je supporte mieux le deuil. Comme Montaigne, quand le malheur est là, il y a un travail du deuil qui est possible. Mais quand le malheur vous attend, quand il est devant vous, or il est toujours devant vous, au moins comme possibilité. Au fond, qu'est-ce que l'angoisse ? Pour moi, l'essentiel en trois mots, ça serait de dire que l'angoisse, c'est le sentiment de la possibilité immédiate et indistincte du pire. Or, le pire est toujours immédiatement possible, c'est-à-dire qu'on peut, vous et moi, mourir dans l'instant. Nos enfants, ce qui est bien plus angoissant, peuvent mourir dans l'instant. On ne peut même pas être sûr, ni vous ni moi, que nos enfants sont encore vivants. Ils peuvent leur arriver des tas de malheurs atroces. La possibilité immédiate et indistincte du pire... Ça, c'est invivable, de dire cette pensée-là. C'est invivable. Ouais. C'est invivable. Et donc, on se dit... Installe-nous plutôt dans le désespoir, puisqu'on va tous mourir, et c'est le geste de Montaigne. Philosopher, c'est apprendre à mourir, pas au sens de Platon, mais au sens où on va tellement s'acclimater à la mort que finalement, on va l'apprivoiser. Évidemment, là encore, ça ne marche pas, parce que on a peur pour nos enfants. Alors, Montaigne avait la chance d'être un père beaucoup moins anxieux que vous n'êtes une mère ou moi un père anxieux. Bah, au fond, tant mieux pour lui. Mais l'idée que le désespoir, c'est-à-dire accepter ce qu'il y a de désespérant dans la condition humaine, soit une espèce de protection contre l'angoisse, un, je crois que c'est vrai, et deux, que c'est insuffisant. Je crois que c'est vrai. Au moment du premier confinement, quand tout le monde s'affolait sur la peur du virus, moi j'expliquais aux journalistes, écoutez, une fois qu'on a compris qu'on va tous mourir, on a déjà beaucoup moins peur du coronavirus, si vous voulez, parce qu'on n'est pas plus mortel avec le coronavirus qu'avant. Et donc j'ai le sentiment qu'avoir le sentiment du tragique, ça protège contre les peurs anecdotiques, comme par exemple le coronavirus. Bah, dont certains sont morts quand même. Et c'est l'idée qu'on trouve en Orient, c'est une phrase que j'ai souvent citée, dans le Samkhya Sutra, qui est l'une des grandes écoles de spiritualité hindoue. On lit ceci, « Seul le désespéré est heureux ». Deux points, et après c'est une citation du Mahabharata, donc le livre immémorial de la sagesse hindoue. « Seul le désespéré est heureux », deux points, « car l'espoir est la plus grande souffrance et le désespoir la plus grande béatitude ». Désespoir au sens étymologique, l'absence d'espoir. L'espoir est la plus grande souffrance parce que si on espère, on a peur puisqu'il n'y a pas d'espoir sans crainte. Et il n'y a rien de plus insupportable que de vivre en permanence dans la peur. Et donc soit on l'oublie, c'est le divertissement, comme dirait Pascal, soit on essaye de s'y acclimater, de l'accepter, c'est la démarche de Montaigne. Du jeune Montaigne, parce que vers la fin de ses essais, au fond, il a pris conscience que tout ça ne marchait pas et que donc il faut accepter que la vie soit tendre, c'est-à-dire fragile et aisée à troubler. Oui. Et c'est pourquoi j'écris dans le livre Impromptu que si le sage est celui qui n'a plus d'angoisse, le philosophe est peut-être celui qui ne s'angoisse plus d'en avoir. C'est-à-dire accepter d'être angoissé, c'est déjà... Oui, un progrès philosophique. Il n'y a pas que l'angoisse, ça. L'angoisse fait partie de la condition humaine, condition de l'homme. Inconstance, ennui, inquiétude. Pascal a tout dit en trois mots. Oui, mais il n'y a pas que ça, André Comte-Sponvilliers. Vous le savez bien. D'ailleurs, la lecture de Montaigne n'est pas simplement une manière d'accepter de ne plus espérer. Il y a aussi, je le disais, du plaisir, de la jouissance, parfois de la bonne humeur, une oscillation entre mauvaise et bonne humeur. Vous parlez de la distinction entre la ligne très fine qui séparait l'existentiel du pathologique. À ce micro, vendredi dernier, le psychiatre Raphaël Gaillard définissait la dépression comme étant le fait que le pire est toujours certain. C'est, dépression, c'est une maladie, c'est quelque chose de clinique. Comment faire pour d'un côté constater que le pire est toujours certain et donc ne plus espérer, c'est ce que vous disiez André Comte-Sponville, sans de l'autre tomber dans la dépression, sans garder le, sans, en gardant le goût de la vie. En allant du côté de la joie, c'est-à-dire du rapport au réel. Le pire est toujours certain, sauf que c'est un pire possible. Vous savez ce qu'écrit Nerval, le grand mélancolique, qui s'est d'ailleurs pendu, hein, il s'est suicidé. Nerval écrit en substance le mélancolique, mais mélancolique au sens psychiatrique du terme, le dépressif. Ouais. Le mélancolique souffre d'une étrange maladie. Il voit les choses comme elles sont. Oui, parce que le pire est certain. Nous allons tous mourir. Nos enfants vont mourir. J'espère bien après nous, mais enfin, ils mourront quand même, si vous voulez. Sauf que, effectivement, le mélancolique, le dépressif, confond l'idée que le pire soit toujours possible avec l'idée que le pire soit toujours certain. Alors, certain à long terme, oui, mais à court terme, non. Et donc, la seule façon d'échapper à l'angoisse, au moins par moment, parce qu'on est voué à l'angoisse un jour ou l'autre, mais la seule façon d'échapper par moment, c'est d'être du côté du réel. C'est-à-dire, encore une fois, du côté de la connaissance, du côté de l'action, du côté de l'amour. Et ça, ce sont nos experts. Et du côté du plaisir, évidemment, mais qui fait partie et de la connaissance, et de l'action, et de l'amour. Autrement dit, voilà, il s'agit pas de s'interdire d'espérer, parce qu'on a peur, donc l'espoir est toujours là. Il s'agit de vivre un peu moins dans l'imaginaire, de se laisser un peu moins obséder par le possible, un peu moins dans l'attente, pour reprendre le mot de Freud, et un peu plus dans la connaissance, dans l'action, dans l'amour, autrement dit, un peu plus dans le réel. L'angoisse, c'est le sentiment du néant et ou du possible, mais le propre du possible, c'est qu'il n'est pas encore réel, et donc il est déjà du côté du néant. La joie, c'est le sentiment du réel et ou de l'action. Voilà. Et encore une fois, il ne s'agit pas de s'amputer de sa part d'angoisse ou de folie, il s'agit d'augmenter en soi la part de sagesse, de puissance, d'amour, de plaisir, de joie. Donc le meilleur remède contre l'angoisse, c'est encore de vivre. C'est encore de vivre réellement, et non pas en espoir. C'est autre formule de Blaise Pascal que j'ai citée des centaines de fois. Pascal écrit dans Les Pensées, il explique qu'on vit toujours pour l'avenir, pratiquement jamais pour le présent et très peu pour le passé. Et Pascal conclut, « Ainsi, nous ne vivons jamais. Nous espérons de vivre. Si bien que nous disposons toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. » C'est inévitable là, sous la plume de Pascal, ça pèse lourd malgré tout. Et pourtant, nous savons d'expérience qu'il nous arrive d'être heureux. Non pas du tout parce qu'on serait devenu immortel, protégé définitivement contre l'angoisse, non pas parce qu'on est devenu des sages, mais parce que par moments, j'allais dire miraculeusement, en tout cas merveilleusement, le réel nous suffit. Le plaisir suffit, la connaissance suffit, l'action suffit, l'amour suffit. Malgré leur fragilité, malgré leur faiblesse, malgré la souffrance, malgré l'angoisse qui revient toujours tôt ou tard. Mais l'idée que le réel soit là, qu'il n'y ait rien d'autre, autrement dit que le néant au fond n'a de réalité qu'imaginaire. C'est pour ça que l'humanité est une espèce vouée au néant, parce que c'est l'humanité, elle, c'est une espèce vouée à l'imaginaire. Mais voilà, opter pour le réel plutôt que pour l'imaginaire, aller du côté vers plus de réel, plus d'action, plus de connaissances, plus de joie, plutôt que s'enfermer dans la possibilité immédiate et indistincte du pire, c'est-à-dire dans l'angoisse. Bonjour l'angoisse et autres impromptus, c'est le titre de votre livre aux presses universitaires de France. André Comte-Sponville, merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu nous en parler ce matin. On se quitte sans dormir, les yeux grands ouverts avec Barbara, Les Insomnies, une chanson d'angoissée. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Avoir tant de yeux qui se ferment, couchés dans leur lit, je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils, qui venaient pour me bercer et combattre mes insomnies. Mais au matin, je les retrouvais endormis dans mon lit, pendant que je veillais seul en combattant mes insomnies. À force de compter les moutons qui sautent dans mon lit, j'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits. Qu'ils aillent brouter ailleurs, par exemple dans vos prairies, labourage et pâturage ne sont pas mes travaux de nuit. Sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits, j'ai quelquefois des vivants qui me donnent des insomnies. Et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit. J'ai déjà connu l'enfer, connaîtrais-je le paradis, le paradis? Sur France Culture, les chemins de la philosophie d'André Comte-Sponville à Barbara jusqu'à Frédéric Worms, il est temps de retrouver la chronique quotidienne du philosophe, le pourquoi du comment. Comment reconnaît-on une démocratie ? L'un des conflits qui caractérise la démocratie, c'est sûrement le conflit qui porte sur la démocratie elle-même, sur la manière de définir la démocratie, sur les critères de la démocratie et sur les régimes, les pays ou les États qui peuvent prétendre y correspondre et la réaliser, qui peuvent prétendre être des démocraties, comme si un pays pouvait d'ailleurs être une démocratie parfaite, correspondre parfaitement à l'idée ou à la définition de la démocratie. Chacun y va de sa définition de la démocratie. Chacun critique la définition des autres. Et on notera d'ailleurs que dans ce conflit, dans cette dissension, il y a un désir d'abord, un désir de revendiquer la démocratie, même chez ceux qui la critiquent, chez les autres en tout cas, et qui veulent la réaliser différemment. Il y a une sorte de valeur qui persiste, et on peut le noter tout de suite, une sorte de premier critère de la démocratie qui est d'accepter finalement le conflit autour de la démocratie elle-même. Il faut pourtant tenter de définir la démocratie, au moins de s'en donner une définition et un critère absolument minimaux qui servent de repère pour s'orienter dans cette désorientation qui est au cœur du monde contemporain. Or, dans le mot démocratie, il semble y avoir quelque chose de positif et de simple. C'est le pouvoir du peuple, dit-on. Démos, le peuple, kratos, le pouvoir, et donc la démocratie, c'est le régime qui accorde le pouvoir au peuple, qui constitue une société. Il y a là quelque chose de positif, quelque chose même d'évident. Comment le peuple n'aurait-il pas le pouvoir dans une société qu'il constitue de l'intérieur? Mais justement, le mot démocratie désigne d'abord la difficulté de la démocratie, c'est-à-dire que la démocratie ne se définit pas positivement, mais d'abord négativement, par un refus, par le refus d'une domination intérieure dans une société, d'une population, par une partie d'elle-même, par un seul, c'est la monarchie, ou par plusieurs, c'est l'oligarchie. Et ce mot oligarchie revient beaucoup aujourd'hui, notamment dans, avec une version économique. On parle des oligarques, par exemple, dans certains régimes de l'Est de l'Europe, et par exemple en Russie. La démocratie, c'est donc non pas quelque chose de positif et d'acquis une fois pour toutes, une évidence, mais plutôt un refus. Le refus de quoi ? D'abord un refus contre une tentation permanente. La démocratie consiste à admettre des conflits intérieurs, à admettre des volontés de domination, à admettre en chacun de nous aussi une tentation de domination sur les autres. Elle doit donc lutter en permanence, et peut-être que la démocratie, c'est la définition des outils minimaux pour lutter contre cette violence, petit à petit. C'est si difficile que le premier principe de la démocratie sur le sujet majeur de la répartition du pouvoir dans une société a mis des années à être acquis. Il n'y a donc pas peut-être la démocratie, mais des paliers de la démocratie. Le premier d'entre eux, c'est la répartition du pouvoir, c'est le suffrage universel qui permet d'éviter la domination absolue des uns sur les autres, qui permet d'exprimer les oppositions, de telle sorte que le premier critère de la démocratie, c'est justement le débat sur la démocratie, mais il en faut bien d'autres. À quoi reconnaît-on une démocratie ? Elle ne sera jamais parfaite, mais donnons-nous des critères pour en définir les degrés, les paliers, les intensités et les progrès. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique, Le pourquoi du comment, est à réécouter en ligne sur le site de France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Thaïs, Éloi Hammer, Jules Barbier, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda, Nicolas Berger, Jacques Ezubert, Bernard Gabet, qui prépare quotidiennement donc cette émission, toute cette équipe. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de l'angoisse. On se demandera si la psychanalyse peut apporter un remède à l'angoisse en compagnie de Paul-Laurent Hassoun. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission, mais surtout rester à l'écoute sur France Culture. Dans un instant, c'est Culture Monde.